Réfléchir à une proposition. C'est une proposition à laquelle vous devriez réfléchir. Participer à une réunion. C'est une réunion à laquelle vous devriez participer. Répondre à une demande. C'est une demande à laquelle vous devriez répondre. Pensez à des détails. Ce sont des détails auxquels vous devriez penser. Assister à un stage. C'est un stage auquel vous devriez assister.